Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus l'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laisse seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Ta vie, on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, on le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désir.